Quand l'argentine nuit se répand dans l'espace, par Anna de Noailles. Quand l'argentine nuit se répand dans l'espace, quand l'homme sans soleil rentre dans ses maisons, la terre fait monter à sa calme surface, ainsi qu'une amoureuse et secrète saison, le tumulte animal, délicat et vorace, qui semble avoir brisé de célestes prisons ou déchiré les raies d'une invisible nasse. Comme un clair ricochet d'étoiles sur les eaux, dont les lueurs seraient faiblement inégales, un crapaud, retiré dans la paix des roseaux, fait gonfler et crever entre de courts repos ces deux mules d'air musical. Invisibles, menus et pourtant solennels, les insectes, l'oiseau, les arômes s'emparent de l'ombre où leur éclat est confidentiel. Ce grand fourmillement d'érotiques appels s'entasse dans l'éther et pourtant se sépare. Comme si le plaisir restait toujours avare de son rêve exigu joint à l'universel. Si l'homme bien rêvé parmi ses grands cantiques, quand l'animal désire, comme un sachet plus lourd, se suspend à la nuit, plus ample que les jours, et lui livre l'aveu exultant et pudique de ses chants de métal, nets et mélancoliques, il demeure étonné, dans sa grandeur mystique, d'avoir tous les pensées, sans avoir tout l'amour. Anna de Noailles.